Leclerc. Basse-Goulaine, Pontivy, Blois. Tu prépares tes vacances ? Non, je regarde le programme du Festival Culturissimo des espaces culturels Leclerc. Il y a des lectures, des concerts et des lectures musicales partout en France. Non, et chez moi, à Grasse ? Attends, je regarde. Oh, il y a une lecture avec Dominique Blanc. Génial, je vais vite chercher une invite. Culturissimo, c'est le festival des espaces culturels Leclerc avec plus de 60 événements gratuits partout en France. Demandez votre invitation en magasin dans la limite des places disponibles. Liste des magasins participants et événements sur www.culturissimo.leclerc. Le troisième et dernier volet du sixième rapport du GIEC vient de paraître et malgré des mises en garde graves concernant notre avenir climatique, il se termine sur des solutions et sur une note d'espoir. L'espoir que les choses changent et vite, c'est aussi ce qui est au cœur d'un ouvrage collectif intitulé « Rencontre intime avec l'Anthropocène ». Ce livre offrant 23 témoignages de chercheuses et de chercheurs raconte sensiblement et avec émotion leur prise de conscience individuelle de l'urgence climatique. Comment rendre ces émotions compatibles avec l'impartialité à laquelle sont tenus les scientifiques et quels effets peuvent avoir ces émotions sur la sensibilisation du grand public? Voilà quelques-unes des grandes questions que nous aborderons aujourd'hui. Anthropocène, parole de chercheur, c'est le sujet sensible que nous allons traiter dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler de cette prise de conscience intime, mais aussi du caractère clé du dernier rapport du GIEC, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Céline Guivarge. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste du changement climatique, co-autrice du troisième volet du dernier rapport du GIEC, directrice de recherche au Centre international de recherche sur l'environnement et le développement, le CIRED. Nous sommes également en compagnie de Marie-Alice Foujol. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieure de recherche CNRS à l'Institut Pierre-Simon Laplace, l'IPSL, et membre du collectif Labo 1.5, et vous livrez votre témoignage dans ce livre collectif Rencontre intime avec l'Anthropocène. Mais avant de démarrer cette discussion, il est l'heure de retrouver, comme chaque jour, Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Antoine. Et pour ouvrir ce journal, on revient sur cette étude parue dans la revue Science avec de nouvelles mesures extrêmement précises de la masse du boson W. Alors, le boson W, c'est un ingrédient fondamental dans le modèle standard. Il a été découvert en 1983 et c'est lui qui véhicule, avec le boson Z, la radioactivité nucléaire faible. Alors, lorsqu'on regarde les quatre particules les plus lourdes du modèle standard, le boson Z, le boson W, le boson de X et le quark top, il y a cette cohérence qui doit être obtenue entre les quatre mesures de leur masse. Quand on connaît toutes les quatre valeurs, hein, le système est surcontraint, donc on peut les prédire l'une par rapport à l'autre. La collaboration CDF vient d'obtenir la mesure la plus précise à ce jour de la masse du boson W. L'expérience s'est déroulée au Tevatron. C'était un accélérateur proton-antiproton aux États-Unis, au Fermilab, qui a fini sa prise de données en 2011. Et les chercheurs ont encore travaillé pendant 10 ans pour réaffiner leurs mesures. Sauf que les résultats qu'ils obtiennent n'est pas compatible avec les prédictions du modèle standard. Ursula Bassler est directrice de recherche à l'IN2P3, l'Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules au CNRS. C'est vraiment une mesure extrêmement complexe et pas facile à faire. Parce que le boson W, pour le reconnaître dans des collisions proton-antiproton, on regarde ces désintégrations dans des électrons ou dans des muons. Mais ces désintégrations sont toujours accompagnées de neutrinos qu'on ne mesure pas directement dans le détecteur. Donc il faut des reconstructions extrêmement minutieuses, des simulations très précises pour pouvoir extraire l'information complète de ces événements. À partir de ces collisions, donc on extrait les événements, on reconstruit les énergies des électrons ou des muons en l'occurrence. La mesure était faite sur des électrons. Et on compare ça à des simulations pour voir en fait quelle valeur de la masse dans la simulation correspond au mieux au spectre qu'on observe lors de la mesure. Ce qu'ils ont mesuré, c'est, bon, il y a la valeur absolue qui est de 80.433 GeV. Grosso modo, le boson W est 80 fois plus lourd que le proton. Mais ces mesures-là sont faites avec une énorme précision. C'est-à-dire, sur cette mesure, la précision que CDF annonce est de l'ordre de 0,1 pour 1000. Donc de 9 MeV sur 80 GeV. La prédiction du modèle standard est de 80,357, plus ou moins 6 MeV. Et donc c'est de là où il y a la plus grande différence avec la mesure faite par CDF. Tout d'abord, il défie les expérimentateurs. Bien sûr, le premier challenge va être d'essayer de comprendre s'il y a des autres explications dans les méthodologies utilisées, dans les programmes de simulation qui sont extrêmement complexes entre les différentes expériences qui peuvent être une piste pour expliquer pourquoi les valeurs expérimentales déjà diffèrent d'autant. Mais néanmoins, cette mesure crée une tension dans le modèle standard, donc dans les prédictions faites à partir des autres mesures de la masse du W, mais aussi des autres particules. Et une telle tension peut clairement être le signe qu'il y a soit une nouvelle physique, soit quelque chose de fondamental qu'on n'a pas compris dans la méthode de la mesure. Et comme chaque jour, vous pouvez retrouver cette étude ainsi que les suivantes sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Et on passe au bref. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une seule dose de vaccin contre le HPV, le papillomavirus humain, serait aussi efficace que deux doses. Ce vaccin est important car il offre une protection contre le cancer du col de l'utérus, qui est provoqué par ce virus et qui reste l'un des cancers les plus fréquents chez les femmes. On sait que plus les taux de vaccination sont élevés, plus les taux de cancer du col de l'utérus sont bas. Une seule dose de vaccin au lieu de deux, cela veut dire des campagnes de vaccination moins coûteuses, moins de problèmes d'approvisionnement et plus de doses disponibles. Cela devrait accélérer sa distribution dans de nombreux pays. L'objectif est de vacciner 90% des filles avant l'âge de 15 ans, d'ici 2030. Selon l'OMS, éradiquer ce cancer serait désormais à portée de main. En bref toujours, selon une étude parue hier dans la revue Nature Communication, le réchauffement climatique amplifie d'ores et déjà les phénomènes météorologiques extrêmes. Et les chercheurs américains se sont intéressés à la saison cyclonique 2020 dans l'océan Atlantique Nord. Une saison qui a battu le record du plus grand nombre de tempêtes. Alors selon leur modélisation, entre 1850 et 2020, la température de surface de l'océan Atlantique s'est réchauffée de 0,6 degrés. Et avec la chaleur de l'océan qui réchauffe l'air au-dessus, cela a pour conséquence d'intensifier les tempêtes. La hausse des températures mondiales a bien provoqué une augmentation de 10% des précipitations extrêmes par rapport à la période pré-industrielle. Les auteurs rappellent que si rien n'est fait pour limiter le réchauffement du globe, le nombre de cyclones et leur intensité devrait augmenter. Et enfin, une étude parue dans la revue The Astrophysical Journal Letters confirme que nous avons bien découvert la plus grande comète jamais observée. Et la comète géante C2014-UN271, ou la comète Bernardinelli-Bernstein, imagée pour la première fois en 2014 à plus de 3 milliards de kilomètres du Soleil et qui voyage depuis le nuage d'Oort. Alors, d'après les observations du télescope spatial Hubble, une équipe internationale est parvenue à déterminer la taille du noyau cométaire. Il mesure environ 130 km de diamètre, c'est 50 fois plus gros que la plupart des noyaux de comètes connus, avec une masse de 500 000 milliards de tonnes. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. Beaucoup de scientifiques considèrent que parler de leurs émotions dans le cadre de leur activité professionnelle pourrait les décrédibiliser. Il faudrait uniquement parler de chiffres, rester impartial, esquiver le ressenti. Pourtant, face à certains scénarios du GIEC projetant des millions de morts climatiques et à l'effondrement en cours du vivant, comment garder cette posture ? Dans ce recueil, des scientifiques témoignent de leur prise de conscience face aux changements environnementaux d'origine anthropique. Il y a quelque chose qui échappe à la raison, une humanité qui a peur de se perdre en chemin et qui a pris conscience des limites du monde qu'elle habite. Voilà les mots choisis pour résumer l'ouvrage « Rencontre intime avec l'Anthropocène » qui rassemble les témoignages de 23 chercheuses et chercheurs, membres du collectif Labo 1.5. Chacune et chacun de ces chercheurs parle, le temps d'un texte court, de son rapport sensible à la question de l'urgence climatique et de son appréhension intime de la catastrophe annoncée. Et ce qui est saisissant, c'est que ce livre dont nous allons parler aujourd'hui trouve un écho tout particulier dans les prises de parole de chercheuses et de chercheurs qui ont contribué à la rédaction du dernier rapport du GIEC, comme par exemple cette prise de parole de Julia Steinberger, auteure principale du sixième rapport du GIEC, qui était invitée sur la RTS le 4 avril 2022. Nous ne sommes pas les seuls à essayer de faire passer ce message en tant que scientifique. Et en tant que scientifique, nous comptons aussi sur les médias, sur les citoyens, sur les politiciens, sur tous les corps de métier. Et bien sûr, nous avons, Dieu merci, les grévistes du climat et la jeunesse qui s'emparent de cette problématique. Vous en êtes, vous? Vous allez dans la rue aussi? Ah, c'est clair, bien sûr. Scientifique et dans la rue? Oui, toujours. Alors, ça va coûter très cher? Non, justement pas. 2 à 4 fois plus d'investissements en Europe. Alors, il faut les investissements, mais les investissements, on les a. C'est qu'actuellement, nous sommes en train de livrer des sommes, des subsides en fait aux énergies fossiles et des sommes qu'on pourrait détourner. En fait, nous sommes en train de payer les factures de guerre, par exemple, de la Russie à cause du gaz. Et nous pourrions détourner ces fonds et les utiliser chez nous, dans de l'emploi local, dans un investissement qui nous permettrait de vivre bien pendant les décennies et les siècles qui viennent. Oh, vous parliez de la Russie. Est-ce que ça met pas un peu en péril vos plans de communication de voir? On s'occupe de toute autre chose en ce moment. C'est la vie humaine, c'est les destructions, c'est les chars, c'est les bombes. Oui, et le climat, c'est je dirais que c'est pas complètement séparé. C'est-à-dire qu'il nous faut protéger les vies humaines, il nous faut protéger l'humanité qu'on est en train de sortir. Nous sommes en train de donner un énorme coup de pied dans notre planète, qui sort la planète de la zone de température des 12 000 dernières années où nous avons développé l'agriculture, par exemple. Nous sommes dans une situation de danger extrême et nous pouvons encore agir, mais il faut le faire très, très, très rapidement. Vous avez vu qu'en Suisse, on a essayé la loi sur le CO2, un compromis, même parti de droite, parti de gauche, tout le monde est à peu près d'accord, ça n'a pas passé. C'est compliqué. Oui. Je pense que c'est aussi très mal communiqué et que les politiques sont des fois perçues comme étant inégales, alors qu'avec justement des investissements dans les services publics, on peut y arriver. Donc il s'agit vraiment de changer nos économies et nos formes de gouvernement pour avoir des investissements qui permettent aux gens de vivre bien en utilisant beaucoup moins d'énergie et beaucoup moins d'émissions. Ça va marcher? Probablement pas, mais moi je dois faire mon travail et je demande aux autres de le faire. Vous dites que ça va pas marcher, vous n'y croyez pas? Moi je vous parle de possibilité, je ne parle pas de probabilité. Bon, vous devez quand même montrer optimiste, sinon on suit pas. Non, pas du tout, moi je veux montrer réaliste. Les possibilités existent. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elles vont être adoptées. Ouais. Donc là, on demande aux citoyens, nous implorons tout le monde qui nous écoute de vraiment de prendre ce message à cœur et de faire partie des personnes qui vont agir pour ce changement. Autrement, on n'y arrivera jamais. Voilà pour cette prise de parole que je trouve à titre personnel extrêmement forte, Céline Guivarch, une réaction à ce que vous venez d'entendre dans les propos de votre collègue et amie Julia Steinberger. Oui, je pense que c'est une prise de parole qui est effectivement extrêmement forte, où Julia Steinberger exprime à la fois une forme de colère devant un gâchis, parce qu'on sait, les connaissances scientifiques nous disent qu'il y a des solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et éviter les effets les plus graves du changement climatique. Et donc, elle exprime ça, et c'est un appel à s'emparer collectivement de ces solutions. Marie-Alice Foujol, j'ai l'impression en écoutant cette récente archive d'être dans le film Don't Look Up, dont on a beaucoup parlé au moment des fêtes de Noël, mais cette fois c'est la réalité. Quelle réaction vous avez quand vous entendez ces propos? Je vous voyais beaucoup opiner du chef, écoutez avec beaucoup d'attention cette prise de parole. Oui, ce que j'ai retenu, c'est nous implorons. Enfin, il n'y a pas plus fort quand même hein, pour qu'une scientifique s'exprime comme ça. À la télévision. Mmh. Céline Guivarch, j'ai l'impression alors peut-être que c'est qu'une impression trompeuse, mais dans les prises de parole des responsables des différents volets des rapports du GIEC, les prises de parole de scientifiques sont aujourd'hui un peu plus fermes à l'image de cette prise de parole qu'on vient d'entendre. Est-ce que c'est qu'une impression ou est-ce qu'il faut durcir le ton et vous le faites? L'état des connaissances, il est extrêmement clair. On sait que les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine sont la cause du changement climatique. On sait qu'on est déjà dans une situation où il y a des pertes et des dommages dus au changement climatique, aux événements extrêmes plus intenses, et que plus ça continue, plus on va avoir des menaces sur la sécurité alimentaire, sur l'accès à l'eau, sur les vies humaines partout dans le monde. Mais ce qu'on sait aussi, et ce que montre en fait ce dernier rapport sur l'atténuation, sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est qu'on a aujourd'hui des options qui sont disponibles dans tous les secteurs et qui, si elles sont mises collectivement en œuvre, elles sont à même de réduire très significativement les émissions de gaz à effet de serre et d'éviter les effets les plus graves du changement climatique. On y reviendra un petit peu plus en détail justement sur ces solutions qui sont proposées, non pas à titre prescriptif par le GIEC, puisqu'on le rappelle, le GIEC ne l'a que pour donner un état des lieux, des analyses les plus précises. Marie-Alice Foujol, on va également parler plus longuement en deuxième partie de cette émission de cet ouvrage collectif rencontres intimes avec l'Anthropocène. J'aimerais juste, avant qu'on en parle plus précisément tout à l'heure, de savoir à quelle nécessité répondait ce livre-là dans ce contexte, qui paraît dans ce contexte en plus de publication par trois volets du sixième rapport du GIEC. Oui, alors c'est une rencontre hein, entre des scientifiques et au départ on s'est contacté par Zoom pendant le Covid, hein, donc il y en a beaucoup que j'ai jamais rencontré. Et donc c'est des scientifiques de toute discipline, de tous âges, hein, il y a des chercheurs, il y a des assistants ingénieurs et qui se sont dit bon, il faut expliquer où on en est et ça nous permettra peut-être ensuite de passer à l'action, parce que ce qui est très important, c'est effectivement de passer à l'action. Et en fait, chacun a fait part de son parcours, et ça donne ce récit, ces 23 récits, voilà, et moi je suis modestement une ingénieure de recherche qui a raconté son travail, et comme j'ai une longue carrière, je raconte ma vie dedans. Et on parlera bien sûr de toutes ces histoires croisées, et de toutes ces histoires, ce qui est très intéressant, c'est que c'est des points de vue aussi de générations différentes et de disciplines différentes, ce qui rend cet ouvrage particulièrement nécessaire en ce moment, mais avant ça, on va faire un petit détour du côté de ce troisième volet du rapport du GIEC. France Culture, la méthode scientifique, Antoine Beauchamp. Céline Guivarch, vous étiez une actrice importante de ce troisième volet du rapport du GIEC. J'aimerais comprendre un petit peu quelles sont les conclusions les plus fortes, ou en tout cas celles qui vous semblent les plus importantes à souligner ici à ce micro. Oui, donc c'est un rapport hein, qui fait l'état des connaissances scientifiques sur les solutions de réduction des émissions de gaz à effet de serre. On est plusieurs centaines de scientifiques de partout dans le monde à avoir été impliqués. Ce que nous dit le rapport, c'est que depuis quelques années, depuis une décennie, il y a dans beaucoup de pays du monde de plus en plus de politiques et mesures qui sont mises en œuvre, y compris au niveau de villes aussi. Qu'on a les éléments pour dire que ces politiques et mesures, elles ont permis d'éviter des émissions de gaz à effet de serre, mais que si on regarde à l'échelle mondiale, et c'est ce qui compte, hein, les émissions mondiales ont continué à augmenter, la vitesse d'augmentation s'est ralentie, mais nous ne sommes pas sur une trajectoire compatible avec le fait de limiter le changement climatique bien en dessous de 2 degrés et d'en éviter les effets les plus graves. Hein. Seules des réductions immédiates et rapide des émissions mondiales sont à même de nous mettre sur ce type de trajectoire. Et en fait, derrière, c'est des transformations majeures de tous les grands secteurs, tous les grands systèmes énergétiques, alimentaires et agricoles, d'usage des sols, de nos modes de production et de consommation, des façons dont on se déplace, dont on se loge, etc. Mais ce que nous montre le rapport en balayant finalement les options d'atténuation, c'est que avec des options qui sont disponibles aujourd'hui, si elles sont mises en œuvre collectivement, on serait à même de réduire les émissions très significativement. Ce qui est important de voir, c'est que ces solutions de réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est en partie de l'adoption de technologies, hein, par exemple la production d'électricité solaire, dont les coûts ont énormément diminué ces dernières années, d'autres types de technologies, mais c'est plus fondamentalement des transformations de nos modes de production et de consommation avec des leviers qui sont sur la sobriété, sur l'efficacité, sur éviter certains déplacements, sur les reporter vers des modes moins émetteurs. Sur donc voilà, en fait, c'est tout un panel et qui interroge nos organisations sociales, qui demande des investissements dans nos infrastructures pour permettre en fait toutes ces transformations. Vous êtes économiste, il y a une dimension économique majeure dans ce volet-là et dans les précédents également, mais dans celui-ci particulièrement. Pourquoi est-ce que ce volet-là économique, il est particulièrement important pour interpeller les décideurs ? Alors il y a énormément d'aspects économiques derrière ces solutions. Il y a toute la question finalement de l'investissement et du financement de ces investissements. Et il y a un chapitre spécifique sur la finance. Et ce que montre le rapport, c'est que quand on met en regard les besoins d'investissement pour être sur des trajectoires compatibles et les flux d'investissement effectivement aujourd'hui, il y aurait besoin besoin d'augmenter d'un rapport 3 à 6 selon les régions et selon les secteurs, les investissements vers les solutions, vers les infrastructures qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais ce que montre aussi la littérature, en fait, ce chapitre et le rapport, c'est que c'est pas une question de volume total d'investissement. Les capitaux et l'épargne mondiale disponible, elle est là. C'est vraiment une question de réorientation, de réorienter des investissements qui vont aujourd'hui vers les énergies fossiles, par exemple, vers les solutions. Donc ça, c'est un aspect. Ce que disait finalement Julia Steinberger tout à l'heure, que les flux de financement public qui aujourd'hui sont alloués à l'exploitation d'énergies fossiles pourraient être dirigés vers le climat et pourraient justement accompagner ce mouvement-là. Oui, et les financements privés aussi. Et finalement, il y a derrière des questions de politique publique pour permettre, pour inciter, pour forcer cette réorientation avec des questions de garantie, des questions de régulation du système financier international. Marie-Alice Foujol, quels points vous ont particulièrement interpellé dans ce troisième volet du GIEC, du rapport du GIEC, ou même dans ce rapport-là, de ce sixième rapport-là, qui fait l'effet quand même d'un rapport clé, d'un rapport charnière, d'un rapport qui pèse particulièrement par rapport au précédent? Tout à fait. La première partie montrait l'état du réchauffement actuel qui a atteint des choses que certains parmi nous ne pensaient pas voir de leur vivant. Donc le premier rapport a mis vraiment à présenter la situation actuelle. Le deuxième a parlé des impacts sur tous les écosystèmes et sur les sociétés. Et celui-ci, c'est celui qu'on attendait le plus, c'est qu'est-ce qu'on fait? Et ce qu'on doit faire concerne absolument tous les secteurs. Donc voilà, c'est à nous tous, chacun dans sa profession, chacun dans ce qu'il peut faire, on a tous des leviers d'action. Céline Guivarch, qui est intéressant les prises de parole de ces scientifiques qui participent à la rédaction des rapports du GIEC, c'est toute la dimension autour de l'écriture de ce rapport. Comment est-ce qu'on corrige le rapport? Comment est-ce que on arrive à un accord collectif sur tel terme ou tel terme? Comment, voilà, vous expliquez l'évolution de ces écritures-là? Est-ce qu'aujourd'hui, les scientifiques se mettent d'accord pour avoir une écriture de rapport peut-être plus ferme, plus franche, plus directe, plus interpellante pour les décideurs ou pas? Alors en fait, c'est effectivement un travail au long cours, l'écriture d'un rapport. Je disais qu'on est plusieurs centaines à être impliqués, et puis il y a des versions successives du rapport sur lesquelles qui sont mises à la relecture des experts et des gouvernements, et où en fait on répond à tous les commentaires qu'on reçoit. C'est des dizaines de milliers de commentaires et tout va être rendu public. On explique quand on les prend en compte ou pourquoi on les prend pas en compte. Fondamentalement, ce qu'on fait, c'est vraiment l'évaluation de l'état des connaissances, donc les articles publiés dans la littérature, et qu'on établit où est-ce qu'il y a un consensus scientifique, où est-ce qu'il demeure des incertitudes, où est-ce qu'il reste des choses qui sont en fait des trous dans nos connaissances. Et donc c'est quelque chose qu'on fait extrêmement collectivement, les auteurs impliqués, et puis avec l'apport en fait des experts qui donnent des commentaires, etc. Donc je pense que ça rend les choses extrêmement robustes. Si les messages qui ressortent sont relativement forts, il me semble que c'est parce que l'état des connaissances est assez établi en fait. Une question que je me posais, est-ce que ces rapports préliminaires sont soumis à la relecture des autorités politiques, des gouvernements? Est-ce que eux-mêmes annotent ces rapports-là? Est-ce que eux-mêmes corrigent certains termes ou pas du tout? Alors, les versions successives, la deuxième des versions du rapport, elle est ouverte aux commentaires des gouvernements de l'ONU. Le GIEC, les membres du GIEC sont les États du monde. Et donc, il y a des commentaires qui sont faits par les différents États. Par contre, c'est les auteurs, les scientifiques qui gardent la plume et qui jugent si un commentaire doit être pris en compte ou pas. Et si on ne le prend pas en compte parce que ça ne correspond pas à l'état des connaissances, on explique pourquoi. Et toutes nos réponses seront assez presque 60 000 commentaires qu'on a reçus vont être rendus publics. Il y a une dernière étape à la toute. Donc, le rapport hein, c'est décomposé en 17 chapitres. Il y a aussi un résumé technique qui est écrit par un sous-ensemble des auteurs. Et puis, il y a un résumé à l'intention des décideurs. Et la toute dernière étape de la production du rapport, c'est l'examen et l'approbation en session du GIEC avec les délégations des pays du monde. Donc, un examen mot par mot, de ce résumé à l'intention des décideurs, qui a duré 2 semaines. Mais là où ce qui est important d'avoir en tête, c'est que les auteurs gardent la plume et on est garant du fait que ce qui est écrit est solide scientifiquement, reflète l'état des connaissances et un résumé équilibré du rapport dans son ensemble. Ce troisième volet et dernier volet du rapport du GIEC, il propose des solutions, il est même teinté d'une forme de note d'espoir. On peut voir le verre à moitié plein, à moitié vide. Moi, je veux le voir à moitié plein. Pourquoi c'est hyper important d'instiller cette note d'espoir dans un rapport de cette sorte-là et quelle influence ça peut avoir sur l'opinion publique, même sur des personnes qui pourraient se dire c'est la catastrophe. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire l'autruche et puis je vais enfoncer ma tête dans le sable et puis voilà, c'est foutu quoi. Encore une fois, c'est l'état des connaissances. Il y a des solutions dans tous les secteurs pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors, si vous voulez, on peut prendre, je ne sais pas, le secteur des bâtiments, par exemple, où la littérature classe un petit peu les solutions en 3 grands types. Il y a des solutions de sobriété qui vont être pour les bâtiments, par exemple, chauffer 1 degré moins, ou ne pas chauffer certaines pièces, ou dans le tertiaire, ne pas chauffer le week-end quand c'est pas occupé, etc. Donc là, c'est des solutions de sobriété, il y a des solutions d'efficacité dans le bâtiment. C'est beaucoup l'isolation en fait des bâtiments existants et la construction de bâtiments neufs qui soient à très faible énergie et à zéro émission de gaz à effet de serre. C'est aussi des solutions de choix de matériaux qui, sur leur cycle de vie, ont une faible empreinte carbone et environnementale d'une façon générale. Et puis, il y a aussi dans le bâtiment des solutions d'énergie décentralisée, et notamment de renouvelables, de solaire sur les toits. Et ce qui fait que aujourd'hui on a les éléments pour dire que il est possible d'avoir des bâtiments quasiment zéro énergie et zéro émission de gaz à effet de serre dans toutes les zones climatiques du monde. Voilà, vous établissez cette liste de solutions qui sont là, qui sont opérationnelles, dont on pourrait se servir, et pourtant, ça tarde à être mis en place. Notre émission est dédiée à l'engagement des scientifiques, à leurs ressentis, à leurs émotions. Est-ce que vous, ça vous frustre d'un point de vue personnel quand vous établissez cette longue liste de solutions possibles et que finalement les choses bougent trop lentement ? Alors, je vais revenir aussi sur le rapport, parce que le rapport creuse les questions des barrières à la mise en œuvre des solutions, des barrières financières, des barrières, donc on parlait tout à l'heure des besoins d'investissement et de cette question de réorientation d'investissement, où en fait, derrière, c'est des politiques publiques de régulation du secteur financier, c'est la prise en compte des risques à continuer à investir dans les énergies fossiles, etc. Il y a toute une partie du rapport qui est aussi finalement sur les barrières institutionnelles, sur comment sont prises les décisions, sur le rôle des médias, le rôle des influenceurs, sur et là aussi on a une compréhension de plus en plus grande des barrières à l'action, mais aussi des voies pour lever ces barrières-là, notamment, enfin, ce que montre le rapport, c'est finalement que ce dont il s'agit, ces transformations, elles demandent des politiques qui sont fondamentalement transversales. C'est pas s'occuper du climat après tout le reste, et c'est bien regarder comment atteindre des objectifs de développement, d'avoir une bonne vie pour tous. Et si on s'occupe pas du climat, de toute façon, ce sera une menace sur les conditions de vie dans le monde. Et ce que montre le rapport, c'est que en fait, il n'y a pas d'antagonisme entre réduire les émissions de gaz à effet de serre et les autres objectifs de développement, d'éradication de la pauvreté dans le monde, d'éradication de la faim, de réduction des inégalités, etc. Mais que tout tient à comment les politiques et mesures sont mises en œuvre, que derrière il y a des questions finalement de transition juste, d'implication de tous les acteurs sociaux dans la conception et la mise en œuvre des politiques. Et puis ce que montre aussi le rapport, c'est que sur beaucoup de domaines, il y a des synergies très fortes, par exemple sur la question de la santé, parce que les émissions de CO2 dues à la combustion d'énergie fossile, ça accompagne aussi d'émissions de polluants locaux et de particules plus ou moins fines qui ont des effets néfastes sur la santé, qui causent des maladies cardiovasculaires, certains cancers, etc. Et que finalement, en agissant sur les sources, on a aussi localement, dans nos villes, et immédiatement, des effets positifs sur la santé. C'est pareil, le report vers des modes de déplacement actifs, c'est un bénéfice pour la santé publique, où on a des problèmes de sédentarité et avec les maladies associées. Et donc, finalement, on voit là qu'il y a des opportunités d'action, mais que ça demande de prendre à bras-le-corps les questions, de prendre à bras le corps la question des inégalités criantes entre pays et au sein des pays. Voilà. Vous avez en partie botté en touche, mais c'est pas grave. On y reviendra. Non, c'est pas grave. On aura largement l'occasion d'y revenir en seconde partie. Mais avant cela, on va poursuivre cette discussion comme chaque mercredi. Il est l'heure de retrouver la recherche montre en main. Une recherche montre en main aujourd'hui avec Margot Buzaré. Bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorante en sociologie au Centre Émile Durkheim de l'Université de Bordeaux. Votre thèse se réalise sous la direction d'Éric Massé. Elle s'intitule « Alerte environnementale et politique de recherche, le paradoxe de la responsabilité des sciences dans l'Anthropocène ». C'est à vous. Alors, merci beaucoup pour cette invitation. Alors, comme vous venez de le préciser, moi je débute une thèse en sociologie dont l'objectif est d'analyser les transformations des sciences et de leurs enseignements dans le contexte de l'Anthropocène. Alors, qu'est-ce que c'est l'Anthropocène ? Pour le dire vraiment très brièvement, il s'agit de la pression exponentielle des activités humaines sur le système Terre qui vient menacer les conditions mêmes de survie des humains. Concrètement, ça correspond aux effets qu'ont participé à décrire les rapports du GIEC que vous avez évoqués juste précédemment. Parmi ces effets, on peut citer par exemple la dégradation généralisée de la biosphère ou encore la hausse des gaz à effet de serre. Alors, l'hypothèse de départ de ma thèse, c'est de dire, voilà, l'Anthropocène, le changement écologique global, va vraiment venir mettre sous tension les sciences et leurs enseignements et va reposer sous un jour nouveau la question de la responsabilité des scientifiques. Dans ma thèse, je prends le cas des sciences agronomiques et des sciences du vivant, qui sont des champs disciplinaires où s'exercent des logiques d'action contradictoires de façon assez exacerbée, et ce qui fait que c'est vraiment intéressant d'aller observer là-bas. D'un point de vue historique, on le voit bien, la recherche agronomique après la Seconde Guerre mondiale, elle est financée dans une approche productiviste, mécaniciste, à base d'intensification des intrants. À partir des années 70, on a des agronomes qui s'interrogent progressivement sur l'impact socio-environnemental de leurs recherches et qui rendent plus visibles des modèles alternatifs comme l'agriculture biologique. En même temps, en parallèle, on a quand même le problème du déclin des financements publics en France, ce qui va en fait contraindre ces mêmes chercheurs et chercheuses à aller chercher des financements ailleurs et à se plier aux commandes du secteur privé et des agro-industries qui, elles, ont tout intérêt à poursuivre cette logique productiviste que je décrivais juste avant. Donc on a vraiment une tension qui se poursuit encore aujourd'hui entre d'un côté un ethos professionnel qui va conduire à la course à la publication, à la recherche de sources de financement, et puis des modes de pensée et des objets de recherche qui sont imprégnés de ces logiques productivistes et un peu prométhéennes. Et de l'autre côté, dans le même temps, chez les mêmes chercheurs et chercheuses et dans les mêmes institutions, on a des interrogations, de nouvelles opportunités qui se présentent et de nouvelles sources de financement qui vont, elles, dans le sens de la transition. C'est le cas, par exemple, avec l'agroécologie qui va venir encourager le dialogue entre les sciences de la nature et les sciences sociales ou entre les savoirs académiques et les savoirs paysans dans le cadre de sciences participatives. Alors moi, concrètement, comment je fais pour étudier tout ça ? J'ai deux axes de travail. Le premier porte sur les formations et les écoles d'agronomie. Et je me demande, par exemple, à travers des entretiens, ce qui se passe quand on a des étudiants en école d'agro qui ne veulent plus travailler pour Nestlé ou Danone, mais qui souhaitent se diriger vers l'agroécologie. Est-ce qu'il y a des mobilisations étudiantes ? Et si oui, est-ce qu'elles conduisent à des modifications vraiment en profondeur dans les maquettes d'enseignement ou dans les politiques des établissements ? Ou est-ce qu'on est plutôt face à des arrangements à la marge ? Pour le second point, cette fois-ci, je vais voir en ethnographe dans les laboratoires, je vais observer et interroger des chercheurs et des chercheuses pour voir comment ils ou elles intègrent les changements globaux, à la fois dans le contenu de leur recherche, mais aussi dans les pratiques du laboratoire. Par pratique, j'entends par exemple le fait de se questionner sur est-ce que c'est légitime d'aller se déplacer en avion pour aller à des colloques internationaux et avoir une empreinte carbone importante. Dans les deux cas, l'idée, c'est vraiment d'aller analyser en sociologue les logiques d'action contradictoires et voir comment ces contradictions se manifestent et comment elles sont vécues. Quels acteurs et actrices, à la fois du monde académique mais aussi extra-académique, va venir soit encourager ou freiner cette transition ? Et si on est finalement face à un vrai changement de paradigme ou plutôt dans une continuité avec les sciences modernes prométhéennes. Voilà, c'est tout, j'ai fini. Merci beaucoup Margot Buzaret. Vous restez avec nous pour la suite de la discussion. Marie-Alice Foujol, une réaction à ce travail de sociologie ? On change un petit peu de spectre, de prisme, de lecture de cette crise climatique ? C'est magnifique, bravo, bonne thèse. Et c'est exactement de ça dont on a besoin, de réfléchir en se décalant, en discutant avec d'autres domaines scientifiques. Et donc en écoutant Marion, c'est bien ça ? Margot. J'ai pensé au collectif Labo 1.5 et que j'espère qu'elle connaît. Et on a fait appel à toutes les bonnes volontés pour prendre l'empreinte environnementale des laboratoires et leur réduction comme objet de recherche. Et donc, ce que Margot a décrit dans l'agro, dans l'agronomie, dans les écoles et dans les laboratoires, voilà, c'est tout à fait en phase. On aura l'occasion justement de reparler de cette initiative. Céline Guivarch, une courte réaction aussi à ce travail de thèse. Oui, je pense que ça interroge la façon dont on fait de la recherche. Ça interroge aussi les structures dans lesquelles on est pris, les structures de financement, les structures et qui quelque part, montrent que une recherche publique qui donne une stabilité et qui laisse pas les gens dans la précarité, c'est important pour ne pas se retrouver pris dans des contraintes et des dynamiques qui obligent à faire une recherche qui n'est pas alignée avec ce qu'on pense être l'intérêt commun. Restez avec nous parce qu'on va poursuivre cette discussion dans un instant et puis on va bien sûr parler de cet ouvrage « Rencontre intime avec l'Anthropocène », ce sera juste après ça. The time has come to save. Beds Are Burning par Midnight Oil dans la méthode scientifique sur France Culture. Nous parlons tout au long de cette heure de la prise de position et de l'engagement des scientifiques dans la sensibilisation au changement climatique. Nous en parlons avec Céline Guivard, directrice de recherche au CIRED, économiste du changement climatique, co-autrice du troisième volet du dernier rapport du GIEC. Nous sommes également en compagnie de Marie-Alice Foujol, ingénieure de recherche CNRS à l'IPSL, membre du collectif Labo 1.5 et témoin dans cet ouvrage collectif Rencontres intimes avec l'Anthropocène. Venons-en justement à cet ouvrage avec le reportage du jour. Comment s'opère le déclic et la prise de conscience dans l'esprit des chercheurs, qu'ils soient ou non spécialisés en climatologie ? Bonjour Céline Ozen. Bonjour Antoine. Vous êtes allé au laboratoire Jean Perrin de Sorbonne Université pour comprendre le rapport de deux chercheurs à l'urgence climatique. Et oui, j'ai rencontré André Esteves Torres, directeur de recherche à Jean Perrin, et Serge Janicot, qui est lui chercheur en climatologie à l'IPSL et l'IRD. Alors tous les deux m'ont confié leur réveil écologique à titre personnel, la manière dont eux ont véritablement pris conscience de l'urgence climatique en parallèle de leurs travaux scientifiques. Canicule, rapport spécial du GIEC ou bien engagement politique, leur point de bascule, comme pour beaucoup, a surtout résulté d'un long processus réflexif attisé par la dimension émotionnelle. Le champ d'étude de la climatologie est très large. Et moi, mon intérêt était de répondre aux besoins prioritaires, par exemple, des agriculteurs, dont la première demande est de savoir est-ce que la prochaine saison des pluies sera au-dessus de la normale, déficitaire ou bien proche de la normale. Et ça, ça relève de ce qu'on appelle la variabilité interannuelle du climat. Donc du coup, je me suis concentré plusieurs décennies sur ces aspects qui sont à une échelle de temps inférieure à celle du changement climatique. Et en fait, le changement climatique, je l'ai abordé. Le premier article que j'ai publié sur l'empreinte du changement climatique sur le régime des pluies, c'était en 2011. André, vous, c'est différent parce que vous êtes chimiste, biochimiste, et ce réveil écologique, comme vous l'écrivez dans cet ouvrage, s'est fait par accumulation d'épisodes personnels liés à votre carrière. Oui, tout à fait. Donc j'ai décrit le réveil écologique dans le recueil Rencontre intime avec l'Anthropocène, comme finalement une accumulation très lente d'expériences vitales qui mêlent trois choses. D'un côté, la connaissance, donc certaines lectures, les rapports Meadows, les rapports du GIEC, etc. Des émotions, donc j'ai décrit des soirées écolo-festives dans un squat. Avec Shakira, notamment. Shakira, à Paris, à la Gare de l'Est. Et puis des liens sociaux, quelque chose de très important, les amis, les collègues, mais aussi une partie de la société. Je crois qu'il y a un documentaire, celui d'Al Gore, qui vous a particulièrement touché. Alors, il m'a touché, mais il ne m'a pas du tout fait bouger. En 2006, c'est ce que j'ai décrit. Donc, en fait, on voit aussi que la connaissance a une partie d'importance, et surtout pour un scientifique, mais clairement, elle n'est pas suffisante. Les rapports du GIEC sont extraordinairement intéressants, mais ça ne fait pas bouger la politique du monde. C'est intéressant, c'est-à-dire que malgré les données, que ce soit du documentaire, du film, ou même des rapports scientifiques, on sait, mais on... Tout le monde a beaucoup de mal à bouger. Enfin, les sociétés, les personnes, on a des liens historiques envers, je sais pas, un mode de vie, un type de recherche, par exemple. J'ai fait ce que j'ai décrit dans ce récit est un cheminement personnel avec mes difficultés, mes facilités propres. Il se veut pas du tout moralisateur. Il se veut juste peut-être décrire des expériences que je vois chez d'autres collègues, d'autres personnes qui sont dans des sujets très loin du climat et qui se disent on va changer de sujet, on va changer notre façon de travailler. Et vous, Serge, le déclic vraiment qui fait office de point de bascule peut-être dans votre carrière, c'est une sécheresse, une canicule ? En fait, il y a eu plusieurs points de bascule. Il y a eu la canicule de 2003. Je me souviens de me retrouver sur un parking d'autoroute en août 2003, et j'ai réalisé que ce qui était le danger pour un individu exposé à l'extérieur, c'était pas le froid, mais c'était le chaud. Et en fait, je me sentais complètement enveloppé par une chaleur, mais comment sortir de là ? Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était parce que j'ai participé à la préparation de la COP21 à Paris, et j'étais vraiment pris dans un sentiment schizophrénique, entre d'une part l'émotion de la réussite de cet exercice qui était extrêmement compliqué, et d'autre part l'accord non contraignant qui amenait la société à une trajectoire de plus 3,5 degrés à la fin du siècle, qui est quelque chose d'absolument catastrophique. Et puis le troisième point, c'est pour beaucoup de gens comme moi, c'est 2018, c'est-à-dire la publication du rapport 1.5 du GIEC, qui d'un coup ramène l'horizon de fin du siècle à la nécessité de réduire de moitié nos émissions à l'horizon 2030, et pour un bilan carbone net qui soit nul en 2050. Et donc le message principal de ce rapport, c'est chaque dixième de degré compte, chaque année compte, et du coup chaque choix et chaque décision compte. Et le dernier rapport du GIEC, qui est publié le 4 avril, dit quand même clairement que le pic d'émissions ne doit pas dépasser 2025, si on veut rester au niveau de 1,5 degré d'augmentation de température. Donc l'horizon se rapproche. Oui, c'est sûr que bon, les humains, on n'est pas très bons avec la gestion du futur. On ne peut pas prédire le futur, et pour autant, on a des modélisations assez robustes pour essayer d'établir des scénarios avec des degrés de probabilité. Mais vous, qu'est-ce que ça traduit alors, au niveau plus personnel encore cette connaissance dans vos pratiques par rapport à la recherche que vous menez? Oui, moi la forme d'engagement à la fois citoyen et scientifique autour de ces sujets, c'est d'un côté, donc au sein du collectif Lab 1.5, qui a mis en place un outil pour calculer l'empreinte carbone de la recherche, j'ai contribué à développer un module qui calcule l'empreinte carbone liée aux achats scientifiques, les spectrophotomètres, les molécules qu'on achète, etc. Et ça, en fait, cette part dominante des achats soulève des questions très difficiles sur nos pratiques. Et on en discute au laboratoire, mais on ne sait pas très bien comment résoudre ce problème. Et d'un autre côté, j'ai aussi mon engagement s'est mis en place avec la mise en route de l'atelier d'écologie politique francilien, l'Écopolien. Et du coup, ça m'amène aussi à changer mon sujet de recherche. Voilà pour ce double témoignage. Marie-Alice Foujol, on entendait dans ce reportage l'intervention de deux chercheurs qui font partie de cet ouvrage Rencontres intimes avec l'Anthropocène. Vous faites partie aussi de cet ouvrage-là. Chacun son histoire, chacun son passé, chacun son déclic. Vous, quel a été le déclic qui vous a fait vous engager un peu plus en tant que scientifique pour sensibiliser à cette question de la crise climatique? Oui, alors j'étais ingénieure et je travaillais sur le modèle de climat de l'IPSL, justement. C'est cet outil qui nous permet de simuler le climat de la planète, de la période actuelle, des périodes passées ou du futur. Donc c'est un travail collectif avec des mathématiciens, des physiciens, des numériciens, des atmosphériciens. Enfin, j'ai une belle litanie comme ça. Et moi, j'avais l'impression de bien faire mon travail. Bien faire mon travail, c'était construire la prochaine génération de ce modèle en y mettant toutes les connaissances qu'on avait, que ce soit scientifique ou technique. Et on a bénéficié pendant tout ce temps-là des progrès des calculateurs. Donc tous les 6 ans, on pouvait faire 10 fois plus de calculs et donc on s'en servait pour avoir des modèles de plus en plus pertinents. Et on se posait des questions de représenter plus correctement les nuages, la pluie, les courants dans l'océan. Et donc il y avait, j'étais quelqu'un qui voulait bien faire son travail, comme beaucoup de gens. Et donc il y a eu effectivement la préparation de Copenhague. Moi, j'ai rencontré des gens qui travaillaient plus largement à l'occasion de Copenhague. Donc, c'est la COP15, c'était 2009. Mmh. Donc là, j'ai commencé à accepter d'aller vers le public. On parlait de cet indicateur très complexe qui est la moyenne des températures globales, quelque chose qui est très compliqué, enfin qui intègre énormément de choses. Et tout le monde rit en disant, mais moi, ce matin, il faisait 5 degrés, cet après-midi, 20 degrés, vous me faites rire. Donc, veut dire comprendre ce que voulait dire cet indicateur, apprendre à l'expliquer au public. Et donc, voilà, bien faire mon travail. Et j'ai profité, et c'était passionnant, des progrès des calculateurs et des sciences du climat. Donc, premier apprentissage pour parler à l'extérieur de mon laboratoire. Et Copenhague, ça a été un échec. Et voilà, donc ça m'a déjà beaucoup remué. Et au niveau international aussi, puisqu'ils ont complètement changé d'approche, puisque au lieu de dire aux pays quoi faire, ils ont demandé aux pays ce qu'ils voulaient faire. Donc cette approche très inclusive. Voilà. Et à l'occasion, ensuite il y a eu l'accord, la COP21, l'accord de Paris, et à cette occasion, pour qu'il y ait 1,5 degré dans l'accord, ils se sont, enfin les négociations internationales, la COP, se sont tournées vers les scientifiques en disant, racontez-nous qu'est-ce que c'est que ce monde à 1,5 degré. Et on n'a pas fait de simulation supplémentaire pour ce rapport-là. Mais en revanche, il y a eu beaucoup d'études qui ont décrit quelle était la différence et qu'est-ce qu'on gagnait à rester en dessous de 1,5 degré. Et c'est ce rapport, et Serge l'a dit aussi, moi c'est ce rapport, j'ai participé aux marches dans la rue pour le porter au gouvernement. Lisez ce message, nous vous implorons de le lire. Et à cette occasion, j'ai lu le livre de Fred Vargas, que vous ne pouvez pas ne pas connaître. Autrice de Polar, bien sûr. Fabuleuse autrice de Polar, qui a fait un livre là-dessus. Alors je pense que les gens ont été très surpris en achetant son livre, L'humanité en péril, Véron de bord toutes, et je crois qu'elle prépare un livre bientôt. Et elle a mis des phrases avec son style absolument remarquable sur ce rapport. Elle a expliqué un monde à 2 degrés à un monde à 1,5 degré. Dans un cas, vous avez 3 milliards de personnes qui vivent dans des conditions dans lesquelles on ne peut pas vivre, de température et d'humidité, un grand nombre de jours de l'année. Et dans l'autre cas, ça descend à 1,5 milliard de personnes. Donc, voilà. Donc, de toute façon, c'est énorme ce qui nous attend. On est déjà dedans. Et rester en dessous de 1,5 degré est fondamental. Voilà. Donc, le déclic, ça a été ça. Donc ensuite, voilà, témoigner de mon métier, pourquoi on a confiance dans ces modèles. Donc là, j'ai pas beaucoup développé ça. Répondre aux sollicitations quand on m'invite, ça peut être dans des lycées, même, par exemple, au collège, voilà, et le faire, me forcer, hein, c'est pas facile pour quelqu'un de technique comme moi. Voilà, donc pour témoigner que chacun peut, à son niveau, dans son environnement professionnel, participer à ce qu'il faut faire. Donc, allons-y. Donc voilà, mon déclic, c'est 2018, comme Serge. Céline Guivarche, même question. Et quel bouleversement dans votre pratique, de votre discipline, ça a pu avoir ce déclic et cette prise de conscience, si tant est qu'il y ait eu un électrochoc? Parce que ça peut être aussi progressif et une lente progression, comme c'était le cas pour André Esteves-Torres dans le reportage. Alors en fait, moi j'ai commencé la recherche sur la question des solutions de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Donc il n'y a pas de changement de mes objets de recherche. Je pense que dans les choses qui ont participé à des déclics, le fait de devenir maman et tout d'un coup de commencer à, dans nos projections, quand on parle de 2040, 2050, etc., se demander quel âge auront nos enfants à ces horizons-là, ou quel âge on aura nous d'ailleurs, et de me dire bon là, par exemple aujourd'hui, quand je fais cette démarche-là, mes enfants en 2050, ils auront à peu près l'âge que j'ai aujourd'hui. Et ça donne une autre dimension plus personnelle à finalement et à nos recherches et qui nous pousse à aller partager le plus largement possible les connaissances comme en fait, un transfert de pouvoir, parce que les chercheurs peuvent certaines choses, mais il y a des relais auprès des médias, auprès de la société civile, auprès des artistes, auprès à trouver. Et puis, une autre chose, je pense, qui a aussi un petit peu changé les dimensions, c'est une action très collective de la communauté de recherche sur le climat en France, avant la conférence des parties qui a donné lieu à l'accord de Paris, où en fait, des chercheurs et des médiateurs scientifiques assez géniaux ont lancé un projet d'exposition à bord d'un train qui a parcouru la France donc en 2015 et où il y avait des scientifiques, des acteurs du monde de la recherche, des ingénieurs de recherche qui ont d'une part avec des médiateurs conçu une exposition pour raconter comment on obtenait les différents résultats et les partager et parler aussi des solutions. Et puis moi j'ai participé à ça et j'ai passé aussi une semaine à bord de ce train à aller à la rencontre en fait des gens dans les gares et ça, je pense que ça a donné une autre dimension et puis un côté très collectif de cette communauté de recherche qui est un peu multiforme de plein de disciplines finalement et voilà. Margot Buzaret, on vous entendait tout à l'heure parler de votre projet, de votre travail de thèse. Vous êtes donc au début de votre parcours de chercheuse. Est-ce que ce sujet-là s'est imposé comme une évidence et si oui, pourquoi ? C'est marrant, c'est pas vraiment arrivé comme une évidence. En fait, c'est venu d'un travail que j'ai effectué en master qui, cette fois-ci, portait sur les questions du genre. Donc, on voit pas forcément le lien direct avec la question environnementale et celle de l'anthropocène. Et en vrai, il peut y en avoir d'évidentes, mais... Ouais, tout à fait. Et en fait, je crois que le cheminement vient de là. C'est à la fois, évidemment, un sentiment d'urgence et de besoin de se mobiliser par rapport à la question environnementale. Et je crois que je l'ai articulé assez vite avec la question du féminisme, en fait, et des liens à faire entre en quoi le système, disons, patriarcal prend aussi place dans des logiques capitalistes qui encouragent, elles, la destruction, la biodiversité, le changement climatique, etc. Et donc, finalement, il y a une certaine continuité entre le travail que j'ai fait en master qui portait sur ces questions de genre et celle que j'étudie aujourd'hui. Donc je crois que c'est venu de là et aussi évidemment de discussions personnelles. L'intervenante juste avant parlait d'événements personnels qu'elle avait eu dans sa vie qui ont participé aussi à son engagement actuel et je crois que ça vient de là aussi de mon côté. Marie-Alice Foujol, est-ce qu'aujourd'hui c'est plus que jamais déterminant de personnaliser cette parole scientifique, cette alerte scientifique que vous transmettez à la communauté, à l'opinion publique? Est-ce que il est temps pour les scientifiques de sortir de leurs réserves et de faire un pas en avant et de s'exprimer justement comme c'est le cas dans le livre Rencontres intimes avec l'Anthropocène, de façon sensible, de façon émotionnelle? Oui, c'est un des éléments de raconter oui, par où on est passé et de laisser place aux émotions. J'aurais envie de mentionner autre chose, qui est, j'ai récemment vu un documentaire de Brigitte Chevet sur la vie de Jean Jouzel, La bataille du siècle. Jean Jouzel dans La bataille du siècle, qui, on voit des images d'archives, et c'est vrai que ce qui me frappe, c'est que les jeunes chercheurs, ils démarrent leurs recherches et les rapports du GIEC existent. Et donc on voit des images d'archives de 1988 où on disait ça. Et donc c'est James Hansen devant le Sénat américain qui dit le changement climatique c'est maintenant, c'est nous et réduisons les émissions de gaz à effet de serre. Il le dit en trois phrases avec son chapeau de cow-boy. Donc je vous encourage à regarder ça. Et donc tout ça, c'était donc voilà, il sortait, il allait voir les sénateurs, il sortait de son laboratoire. Donc on l'a fait, mais c'était les scientifiques du climat. Et en face, ceux qui souhaitent le statu quo, la vie est plus facile pour un certain nombre de gens si on ne touche à rien. Ça a été très très difficile pour ces gens-là. Et quand je discutais avec mes directeurs de l'époque, Hervé Le Treut ou Jean Jouzel, ce qu'ils me disaient, c'est, par exemple, face à un climato-sceptique célèbre dont je ne citerai pas le nom, on ne veut pas y aller un. Il faut absolument que, quelle que soit la personne du domaine à qui on parle, on exprime tout ce qu'on connaît et ça prendra les formes aussi variées que chaque personne. Voilà, donc oui, il faut y aller. Quand on s'exprime, on a forcément une part de notre humanité qui ressorte. Et voilà. Et du coup, l'étape d'après, c'est vraiment de passer à l'action. Et il y a mille façons de passer à l'action. Donc, il faut faire tout ce qui a été décrit dans ce rapport-là, et pas seulement en France. L'action, elle commence aussi dans les laboratoires. Là, on peut évoquer cette initiative, le collectif Labo 1.5 dont vous faites partie. Je vous laisse en parler. Voilà. Donc, ce collectif a vraiment pris... Il s'appelle 1.5 en référence au 1.5 degré de l'accord de Paris. Et les prémices ont eu lieu lors des marches en 2018. Et on s'est dit, un certain nombre de gens se sont dit, prenons la démarche de transition de l'enseignement supérieur et de la recherche comme objet d'étude. Voilà, et donc c'est parti. Alors, au début, les meilleures volontés pouvaient le faire sur leur temps libre, mais pour que ce soit possible pour tout le monde, a été créé ce qu'on appelle un GDR, donc c'est notre jargon, un groupement de recherche. Mais on peut s'inscrire à ce groupement de recherche, et donc on peut déclarer une partie de son temps pour travailler sur quantifier l'empreinte de ses activités, réfléchir à la réduire. Et pour ça, il faut expérimenter différemment. différentes façons de faire. Mais il faut aller vite. Hein. Il faut aller vite et on manque de temps. On va vous partager toutes les informations sur ce collectif Labo 1.5, sur notre fil Twitter, mais aussi sur la page de l'émission. Merci beaucoup à vous trois, Céline Guivarche, Marie-Alice Foujol, Margot Buzaré, de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Un grand merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. À la technique aujourd'hui, c'était Dalia. La Méthode Scientifique, c'est donc fini pour aujourd'hui. Mais vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. Et ça, c'est à l'infini.